Rastignac se précipita dans l'escalier et partit pour aller rue du Helder chez Madame de Restaud. Pendant le chemin, son imagination, frappée de l'horrible spectacle dont il avait été témoin, échauffa son indignation. Quand il arriva dans l'antichambre et qu'il demanda à Madame de Restaud, on lui répondit qu'elle n'était pas visible. « Mais, dit-il au valet de chambre, je viens de la part de son père qui se meurt. Monsieur, nous avons de monsieur le comte les ordres les plus sévères. Si monsieur de Restaud y est, dites-lui dans quelles circonstances se trouve son beau-père et prévenez-le qu'il faut que je lui parle à l'instant même. » Eugène attendit pendant longtemps. « Il se meurt peut-être en ce moment, » pensait-il. Le valet de chambre l'introduisit dans le premier salon où M. de Restaud reçut l'étudiant debout, sans le faire asseoir, devant une cheminée où il n'y avait pas de feu. « Monsieur le comte, » lui dit Rastignac, « monsieur votre beau-père expire en ce moment dans un bouge infâme, sans un liard, pour avoir du bois. Il est exactement à la mort et demande à voir sa fille. » « Monsieur, lui répondit avec froideur le comte de Restaud, vous avez pu vous apercevoir que j'ai fort peu de tendresse pour M. Goriot. Il a compromis son caractère avec Mme de Restaud. Il a fait le malheur de ma vie. Je vois en lui l'ennemi de mon repos. Qu'il meure, qu'il vive, tout m'est parfaitement indifférent. Voilà quels sont mes sentiments à son égard. Le monde pourra me blâmer, je méprise l'opinion. J'ai maintenant des choses plus importantes à accomplir qu'à m'occuper de ce que penseront de moi des sots ou des indifférents. Quant à Madame de Restaud, elle est hors d'état de sortir. D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle quitte sa maison. Dites à son père qu'aussitôt qu'elle aura rempli ses devoirs envers moi, envers mon enfant, elle ira le voir. Si elle aime son père, elle peut être libre dans quelques instants. Monsieur le comte, il ne m'appartient pas de juger de votre conduite. Vous êtes le maître de votre femme. Mais je puis compter sur votre loyauté? Eh bien, promettez-moi seulement de lui dire que son père n'a pas un jour à vivre, et l'a déjà maudite en ne la voyant pas à son chevet. Dites-le-lui vous-même, répondit M. de Restaud, frappé des sentiments d'indignation que trahissait l'accent d'Eugène.